Hier, on n'a pas été capable de parler avec Sébastien Morin. On se reprend aujourd'hui. Salut Sébastien. Sébastien, deux matchs Salut en fin de Rémi. semaine pour les Saguenayens. C'était deux défaites. Par contre, dans le match de samedi, ils sont bien battus. Exactement. Dans le match de samedi, ça a beaucoup mieux été que dans celui de vendredi. Vendredi, défaite de 4-0 contre les Moussettes d'Halifax. Honnêtement, j'ai comme eu peur avant le début de la rencontre que les Sags prennent un peu à la légère l'adversaire, les Moussettes, qui avait été dominé, je pense, à Halifax à notre passage de ça, deux semaines et demie là-bas dans les Maritimes. Victoire de 5-1 à ce moment-là. On arrive ici. Peut-être que les Sags ont pris un peu l'équipe à la légère. Il y avait un gros blessé du côté des Moussettes, Otto Sumpi, un des joueurs prometteurs pour les prochaines années. Il était pas là, donc ça a été difficile. On a eu connu des bons moments du côté de l'attaque en deuxième période. Plusieurs chances de marquer. Le gardien de but Brassard de l'autre côté était tout simplement exceptionnel contre les Sags. Ça leur a permis de rester dans le match et d'empêcher l'attaque des Sags, qui fonctionnait plutôt bien depuis plusieurs semaines, de les mettre à silence à tout jamais pendant cette rencontre. Nicolas Roy, d'ailleurs, qui a vu sa séquence de 16 matchs avec un point, s'arrêtait là. Puis le lendemain, ben, défaite en tir de barrage contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Ça a été un très bon match. Ça a été un match serré aux allures de séries éliminatoires, je dirais. Ça a été quand même assez physique entre les deux équipes. Des bons espoirs du côté des Sea Dogs de Saint-Jean. Ils connaissent peut-être pas le début de saison espéré de la part de leur personnel hockey, mais quand même, il y a du talent dans cette équipe-là. Ça a apparu dans le match. Malheureusement, les Sags n'ont pas été capables de capitaliser en tir de barrage, qui était un peu leur force depuis le début de la saison. Mais ça a été une défaite, mais une bonne défaite. Saint-Jean, c'est la même place que les Ice Cats de Saint-Jean, de la Ligue filiale du Canadien qui est là. C'est le même endroit? Non? OK. Non, okay. Saint-Jean-Nouveau-Brunswick okay. puis Saint-Jean-de-Terre-Neuve, il y a une coupe d'heure d'avion par les deux places. Donc, ça quand même, c'est quand même pas si pire, un point sur quatre. Et cette semaine, à quoi ça va ressembler la semaine des Saguenayens? Grosse semaine, demain contre l'Océanic de Rimouski au Centre Georges-Vézina, vendredi contre les Olympiques à Gatineau et samedi à Boisbriand contre l'Armada. C'est un bon test cette semaine, beaucoup de hockey. Pour les trois prochaines semaines, il y aura trois matchs par semaine pour les Saguenayens, avec les études, les fins de session, cégep et tout ça. C'est pas évident pour les jeunes joueurs, mais quand même vont réussir, je pense, à accumuler quelques points au classement général. Tu sais, les dernières semaines nous ont permis de remonter, de se rapprocher, d'être tout près de la marque de 500 qui est comme capital un peu dans la LGMQ si tu veux faire des séries éliminatoires et avancer au classement général. Mais là, ça va être du gros hockey, de bien gérer les énergies. Yannick Jean l'a dit dans la dernière semaine. On va pratiquer peut-être un petit peu moins longtemps, mais aussi intense qu'on le faisait depuis le début de la saison. Il y a des gars qui sont un peu amochés à ce temps-ci de l'année, c'est normal. On va voir de quel bois ils se chauffent dans cette grosse fin de semaine. Ça débute demain au Centre Georges. Invitation à tout le monde, là, présentez-vous. Ça risque d'être un bon match. Saint-Luc de Rimouski, c'est toujours une équipe le fun à voir. Dis-moi, tu as parlé de Gatineau. J'ai vu passer de quoi sur les médias sociaux en fin de semaine, puis je veux en savoir davantage. Je vais même appeler Benoît Groulx. Il y aurait des joueurs qui quitteraient puis ça, c'est la manière qu'ils ont pu expliquer dans l'article. Plusieurs joueurs quittent la Ligue junior majeure du Québec cette année. Est-ce que tu as entendu parler de vendre quelque chose là, de ce côté-là? Écoute, y a des joueurs qui remettent là, peut-être leur temps de jeu en question, la façon... Tu sais, c'est rendu difficile, hein, combiner la carrière de joueur de hockey, d'étudiant et de jeune homme, je dirais, dans la fleur de l'âge. Tu sais, souviens-toi, quand t'avais entre 16 et 20 ans, tu sais, c'était peut-être pas tout le temps facile d'être rigoureux dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de te lever le matin, d'aller au cégep, de te revirer de bord, d'aller t'entraîner, de retourner au cégep, les devoirs, préparation des matchs, les voyages et tout ça. Ça semble de plus en plus difficile pour certains joueurs. Je pense pas que ça ait rien à voir avec les différents entraîneurs de la LGMQ, ou peut-être dans certains cas, mais en tout cas ici, j'ai pas vraiment de joueurs qui ont le goût d'abandonner sous l'égide de Yannick Jean, ça c'est sûr. Ailleurs, je peux pas parler, je les connais pas. Tu sais, je sais qu'il y a des entraîneurs qui sont peut-être plus difficiles que d'autres. Benoît Groulx en est un. Martin Raymond en était peut-être un du côté de Drummondville, passé dans le tordeur par son directeur général, Dominique Ricard. Tu sais, on a vu Jérémy Bouchard qui est en réflexion. Je sais pas s'il va être de retour au jeu. Pourtant, il y avait un très bon début de saison, avec 19 points depuis le début de l'année. Il s'enlignait pour sa meilleure saison très facilement dans la LHGMQ. Décider de prendre du recul pour penser à son avenir. C'est pas mauvais non plus, hein, de se remettre en question dans la vie. C'est juste que, tu sais, d'un œil extérieur, tu regardes ça, tu dis, tabarnouche, ils sont privilégiés. Ils jouent dans un superbe calibre de jeu. Ils sont traités comme des rockstars. Mais les dessous de ça, c'est un horaire qui n'est pas toujours facile pour les gens de Mais à quelque part, il faut se poser des questions quand même. Hein. C'est, on dit tout le temps à la nouvelle génération, les jeunes et ainsi de suite. Certainement que c'est pas si c'était le 30 ans aussi. Ils sont peut-être plus gâtés, ils ont peut-être plus de possibilités également de s'amuser. Tu sais, quand tu ne fais pas une carrière dans la Ligue nationale, tu te dis pourquoi faire ces sacrifices-là? Non, ouais. Ça se peut, exactement. C'est une réflexion qui tu sais, puis applique ça dans ta vie personnelle ouais. À toi, Danny, puis dans la mienne aussi, tu sais. Des fois, tu regardes ton horaire de la prochaine semaine ou de la prochaine année, puis tu te dis, tabarnouche, je vais encore faire ça une année supplémentaire, puis tu continues, tu poursuis, tu persévères. Pour certains, c'est dans la mesure du possible. Pour d'autres, c'est une montagne, puis ils décident de changer la façon de faire. Moi, je respecte ça. C'est juste que, tu sais, ils ont 4 ans pour se prouver, 4 ans où ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais en même temps, tu sais, tout le monde dit que le passage à la JMQ, pour la plupart, leur donne une façon de travailler, une façon de s'organiser dans la vie. C'est pas tout le monde qui fait une carrière de joueur de hockey, mais il y a des bons individus qui sortent de la JMQ. Je suis encore convaincu que c'est plus un avantage qu'un inconvénient de jouer junior. Sébastien Morin, ça parle lundi ou mardi prochain. Le descripteur des matchs, Sébastien Morin.